J'écoute plus de son. Quand y a pas de thème et y a pas de concept, je suis parano, je me méfie de mes potes comme dans un Scorsese. Je fais pas de concert, je veux pas donner ma SACEM au fisc. Ranger les flingues, je veux pas d'un clip avec Tupac en fit. Mec, le rap part en vrille, ça parle de gun de shit. Lisez des livres du mauvais rap, ça donne des parents tristes. Je donne pas de leçons, je me vois pas faire du rap à 40 piges. J'ai trop d'amis, je crois que mon cœur n'est plus sous garantie. Aucun dealer n'a la formule magique pour que les bacs se tirent des barres de rire. Maintenant, pour toucher le SMIC, il faut un bac plus 6. Faire du fric dans la zic, mec, c'est pas mon but dans la vie. Écoute l'album, j'ai pas le buzz, mais l'une des meilleures plumes de la ville. J'ai pris du recul comme une calache ou une vieille Winchester. Dur de percer sans vocodeur et maillot de Manchester. Même si je me force, j'aurais du mal à écrire de la merde quand je rapsais en direct du bloc, pas d'une villa au bord de la mer. Maintenant je vais me taire et je l'ouvrirai quand on passera l'espèce. Très encourable dans le vent, faut 4-0 pour compenser les pertes. Plus le temps depuis que le temps m'a mis un canon sur la tempe. Je fais ma vie mais je me méfie des femmes comme d'un camion sur les champs. Y'a rien dans la rue à part du bon rap et du sale shit. Je suis bien tout seul quand je vois qu'en amour les contraires s'attirent. Les gosses rêvent d'oseille à 16 ans, ça c'est de la photopie. Dis-toi que chaque jour qui passe, c'est plusieurs pas de plus vers un fourgon Brinks. J'ai jamais rêvé d'être rappeur ou d'être une star du foot. La route est courte entre la salle de concert et la salle de shoot. Ça sort les schlaffes, mais pas seulement pour découper les plaquettes. Depuis le début, je sais que j'aurais pas l'assassin de Black M. Je fais de la pub à personne, donc les faux rappeurs clair chez moi. J'ai vu des inconnus me soutenir plus que certains gars de chez moi. C'était pas un ego trip, je dirais plutôt une chanson libre. Rien à gagner dans le rap, trop d'MC croient que c'est la Champions League. Comme Forrest Gump, je suis resté fidèle à mes baskets Nike. Gardez la pêche, je suis vraiment pas pressé de vous passer le mic. Ça rappe la rue, rappez la rue, putain j'ai passé l'âge. Rime multisyllabique, alors rends pas le terrine de bas étage. Le passé te revient dans la gueule comme un boomerang. Toujours le fond, la forme, je te parlerai pas cocaïne pour vendre. Je bosse pour que la vie de la daronne soit moins épouvantable. Je veux pas servir de perchoir au rapace comme un épouvantail. C'est juste l'intro du EP sain et sauf. A cappella, couplet, refrain, matelas, structure à 5-0. Je donne de la force à tous les jeunes qui sont en mal de vivre. J'ai plus peur de la daronne que de tous les juges du tribunal d'Evry. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans mon bic, y'a rien de magique. J'ai eu 30 piges, je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Le passé me rattrape, dans ma tête les souvenirs défilent. Si t'as la haine de vaincre, moi j'ai la rage de vivre.